pêcheurs d'Islande. Cinquième partie. Chapitre 2. Le quai de Paimpol le lendemain matin était plein de monde. Les départs d'Islandais avaient commencé depuis l'avant-veille et à chaque marée, un groupe nouveau prenait le large. Ce matin-là, 15 bateaux devaient sortir avec la Léopoldine et les femmes de ces marins, ou les mères, étaient toutes présentes pour l'appareillage. Gaut s'étonnait de se trouver mêlée à elle, devenue une femme d'Islandais elle aussi et amenée là pour la même cause fatale. Sa destinée venait de se précipiter tellement en quelques jours qu'elle avait à peine eu le temps de se bien représenter la réalité des choses. En glissant sur une pente irrésistiblement rapide, elle était arrivée à ce dénouement-là qui était inexorable et qu'il fallait subir à présent comme faisaient les autres, les habitués. Elle n'avait jamais assisté de près à ces scènes, à ces adieux. Tout cela était nouveau et inconnu. Parmi ces femmes, elle n'avait point de pareil et se sentait isolée, différente. Son passé de demoiselle qui subsistait malgré tout la mettait à part. Le temps était resté beau sur ce jour des séparations. Au large seulement, une grosse houle lourde arrivait de l'ouest, annonçant du vent, et de loin, on voyait la mer qui attendait tout ce monde, brisée dehors. Autour de Gaut, il y en avait d'autres qui étaient comme elle, bien jolies et bien touchantes, avec leurs yeux pleins de larmes. Il y en avait aussi de distraites et de rieuses, qui n'avaient pas de cœur ou qui pour le moment n'aimaient personne. Des vieilles qui se sentaient menacées par la mort pleuraient en quittant leur fils. Des amants s'embrassaient longuement sur les lèvres et on entendait des matelots gris chanter pour s'égayer tandis que d'autres montaient à leur bord d'un air sombre, s'en allant comme à un calvaire. Et il se passait des choses sauvages. Des malheureux qui avaient signé leur engagement par surprise quelques jours dans un cabaret et qu'on embarquait par force à présent. Leurs propres femmes et des gendarmes les poussaient. D'autres, enfin, dont on redoutait la résistance à cause de leur grande force, avaient été enivrés par précaution. On les apportait sur des civières et au fond des cales des navires, on les descendait comme des morts. Gaut s'épouvantait de les voir passer. Avec quel compagnon allait-il donc vivre son Yann ? Et puis quelle chose terrible était-ce donc ce métier d'Islande pour s'annoncer de cette manière et inspirer à des hommes de telles frayeurs ? Pourtant, il y avait aussi des marins qui souriaient, qui sans doute aimaient comme Yann la vie au large et la grande pêche. C'étaient les bons, ceux-là. Ils avaient la mine noble et belle. S'ils étaient garçons, ils s'en allaient insouciants, jetant un dernier coup d'œil sur les filles. S'ils étaient mariés, ils embrassaient leurs femmes ou leurs petits avec une tristesse douce et le bon espoir de revenir plus riches. Gaut se sentit un peu rassuré en voyant qu'ils étaient tous ainsi à bord de cette Léopoldine qui avait vraiment un équipage de choix. Les navires sortaient deux par deux, quatre par quatre, traînés dehors par des remorqueurs. Et alors, dès qu'ils s'ébranlaient, les matelots, découvrant leur tête, entonnaient à pleine voix le cantique de la Vierge, « Salut étoile de la mer ». Sur le quai, des mains de femmes s'agitaient en l'air pour les derniers adieux et des larmes coulaient sur les mousselines des coiffes. Dès que la Léopoldine fut partie, Gaut s'achemina d'un pas rapide vers la maison des Gauss. Une heure et demie de marche le long de la côte, par les sentiers familiers de Ploubazlanec, et elle arriva là-bas, tout au bout des terres, dans sa famille nouvelle. La Léopoldine devait mouiller en grande rade devant ce port Seven, et n'appareillait définitivement que le soir. C'était donc là qu'il s'était donné un dernier rendez-vous. En effet, il revint dans la yole de son navire. Il revint pour 3 heures lui faire ses adieux. À terre, où l'on ne sentait point la houle, c'était toujours le même beau temps printanier, le même ciel tranquille. Ils sortirent un moment sur la route en se donnant le bras. Cela rappelait leur promenade d'hier, seulement la nuit ne devait plus les réunir. Ils marchaient sans but en rebroussant vers Paimpol et bientôt se trouvèrent près de leur maison, ramenés là insensiblement sans y avoir pensé. Ils entrèrent donc encore une dernière fois chez eux, où la grand-mère Yvonne fut saisie de les voir reparaître ensemble. Yann faisait des recommandations à Gaut pour différentes petites choses qu'il laissait dans leur armoire, surtout pour ses beaux habits de noces, les déplier de temps en temps et les mettre au soleil. À bord des navires de guerre, les matelots apprennent ces soins-là. Et Gaut souriait de le voir faire son entendu. Il pouvait être bien sûr pourtant que tout ce qui était à lui serait conservé et soigné avec amour.